Maximum, tous les tempos dans la peau. Sachez que vous attendez tous ce moment-là. C'est la possibilité d'enregistrer pendant 3 minutes 10 exactement. Puisqu'il est 3 heures. Voilà, 3 minutes 10. Excellente la blague. On dirait Bernard Montiel. Merci Alexandre, à toi. Donc 3 minutes 10 pour enregistrer les jingles, les liners maximum qui donnent un max. On va y aller, mon chéri. Ah bah alors là, ça va être un grand moment. En préparation sur le Mac 4. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Enregistré. Les années maximum commencent. Maximum. La max musique. Par satellite. Partout en France. Maximum. La musique. La musique fait peau neuve. Maximum. Ça parle moins. Ça bouge plus. Plus. Plus. Plus. Plus. Maximum. Pourvu que ça bouge. Bouge. Maximum. Maximum. Maximum avec 2x. 2x. Tous les tempos. Et les tempos. Dans la peau. Maximum. Maximum. Maximum. La radio qui réveille les morts. Maximum. Avec le double X. Double X. La nouvelle musique à son maximum. Maximum. Les autres radios passent toutes la même chose. Même chose. Même chose. Même chose. À nous. Passez sur Maximum. Dites top au top. Maximum. La musique propre. La radio. Les radios. Que les autres radios écoutent. Que les autres radios écoutent. Maximum. Les meilleurs remix. Made in Max. Et seulement sur Maximum. Maximum. Maximum. Nouvelle musique. Dose Maximum. Elle vient de tous les pays d'Europe. Elle vient de tous les pays d'Europe. La nouvelle musique vient de Maximum. Maximum. Chez nous, la musique ne s'arrête jamais. Ne s'arrête jamais. Ne s'arrête jamais. Ne s'arrête jamais. Maximum. Bloquez votre radio et jetez le bouton. Et jetez le bouton. Et jetez le bouton. Et jetez le bouton. Vous êtes sur Maximum. Maximum. Les années maximum commencent. Maximum. La nouvelle musique à son maximum. Maximum. Maximum. Bloquez votre radio et jetez le bouton. Vous êtes sur Maximum. Vous avez demandé Maximum. Ne quittez pas. J'étais en train de chercher, puis je suis tombé sur la station, ça m'a plu, puis voilà. C'est pas du tout, et voilà, j'écoute, je fais que ça. Puis j'aime bien les musiques. Bon, la musique est super, enfin, c'est ce que j'en pense. Ça bouge plus, quoi. Et la musique au maximum, qu'on mettait. La radio, votre radio, bon, c'est de la musique non-stop, ça bouge plus, c'est ça la radio. Merci d'être branché sur la Max Musique. Max Musique. Maximum. Maximum. Soirée maximum. Rock the house show. Maximum is dope. Yeah. Maximum 3h07, Sabrina Johnson remixée par Brother in Rhythm. Peace in the valley. Peace in the city. Yeah, come on. Maximum, étant donné qu'on en avance, si vous avez un fax chez vous, vous pouvez nous faxer des trucs. 40 39 0 05 06. C'est fou ça quand même. Ah ouais, on va avoir des kilomètres de trucs, ça va être marrant, tiens. Les secrétaires vont marcher dessus demain en entrant la porte. Bon, alors Sabrina Johnson, c'était un des derniers trucs que Maximum aura découvert. Et à propos de ça, tiens, je voudrais signaler des rendez-vous de Maximum. Le rendez-vous déjà vendredi entre 17h et 21h, j'aurai le plaisir de vous accompagner pour faire un sorte de Maximum Story avec 4 heures de musique, des tubes que Maximum a découvert avant tout le monde. Alors ça part des découvertes comme Le Dormeur, ça va. Igloo. Ça remonte jusqu'à Pump Pump the Jam Technotronic, ouais. On avait joué 3 siècles et demi avant tout le monde. Black Box, Ride on Time, Lil Louis avec French Kiss. Enfin là, c'est les 4 qui me viennent à l'esprit. Il y en a des tas d'autres, il y en aura 60. Le Rêve Max avec Laurent Garnier et Eric Madelon samedi soir. Le Rêve Max en direct avec Laurent Garnier dans les studios. 4 heures de musique techno. Et puis un truc vachement important, c'est qu'on est là tous cette nuit, vous et nous. Et là, il n'y a plus de radio. Voilà. C'est votre radio, c'est la nôtre, tous ensemble jusqu'à 9h du matin. Avec et puis. Double X, joli. Double X avec une super édite de Courteau qui a avec le Double X tout de suite, donc 40 39 09 09, pour un album de Technotronic ou les disques de Maximum Collector. On va voir ça tout à l'heure. 10 titres à découvrir et à découvrir, mais vachement vite quoi. 40 39 09, deux fois pour vous. Et ce sera juste après KLF. Et juste avant KLF, on va se faire un truc qui nous a bien marqué, puisqu'on l'a tous appelé Plante Verte dans les soirées. C'était Plante Verte et jusqu'à ce qu'on comprenne que c'était Clank Verk. Sans Maximum, le Double X. Langberg. Klangberg. Klangberg. musique en avance. Non, crotin n'a pas déchaîné. La radio des années... Oh, les tubes naissent chez nous. Oui. Maximum. Bienvenue dans un monde merveilleux, celui de Moomooland. Moomooland, Just a Fan, Ancient of Moomoo. Ha, ha, ha, ha. Come on, Moomoo, Moomoo. Attention, 1, 2, 3, 4. Double, double, double. Nicolas, Nicolas. Oui, il est là, il est là. Nicolas de Reims. Alors écoute, Nicolas, tu vas bien? Ça va, à la pêche. Alors, ce soir. Un petit mot avant de commencer le jeu. On voudrait dire salut à tous les Rémois et pas par démagogie. C'est parce qu'à Reims, on a toujours des super échos de maximum. Et ça, c'est vrai. Il y a toujours eu plein de gens de Reims qui nous ont appelés. Ah ouais, et ça fait chaud au cœur. Mitsu sur énergie, c'est chaud. Salut, c'est Richard Berry. Oh, j'aime entre l'air pas. Bon, Nicolas, alors, on va se faire un truc, mais juste avant, on va voir ce que tu vas gagner. Non, bah non, tiens, on va le faire après. On va te faire languir pour essayer que tu fasses une super performance. D'accord. T'as un truc pour le motiver, toi ? Le double XXX 148. Double X. Bravo. Michael Jackson. Oui, j'étais sûr. Carol Wheelers, non ? Non, presque. Oh la sauce. Merde, comment ça fait ? C'est nul. Espagnol, tu sais. Oui, oui, oui, c'est ça, oui. Cherche partout, oui, c'est bon. Merde, c'est qui Bordel. Oh, qui est nul. Alors là, j'assure pas. Hein. Alors. Oh, c'est dur. Rêve à l'arme. Réveille-toi. Oui, réveille. Ah, I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. Ouais, c'est eux. Snap. Yeah. Ouais, et avant c'était bon. The Grandmaster Flash avec The Message. Oui. Ah, ah, ah, ah. Ouais, bah, et we go. Bon, t'as raté combien ce soir ? Bon, il en a gagné 4. Alors. T'as raté Sibyl, Casino, le truc italien pourri dans la même lignée que trucs, Scotch. C'était Nat Timora, Tarzan Boy. Il y avait George Michael. Girls of Lucifer. George Michael, Wham, etc. Oh, oh. Il y a Kid Creole, London Beat, Propaganda. Ah, voilà, la la la la la. Le plus grand Master Flash et Snap. Voilà, bon. Et Mico Michel, faut pas oublier aussi. The World is Modern Talking. Alors, sinon, si on fait le tour des merdes, on a pas fini jusqu'à 9h et il nous faudrait au moins 3 jours. Alors, Nicolas. Oui. Alors, bah écoute, t'as gagné, écoute. T'as gagné. Qu'est-ce que tu vas nous choisir ? Bah, t'as gagné soit un album de Technotronic, le dernier, ouais. Ou alors un truc collector maximum bien techno du style ça. Hardcore. Ah, et c'est un disque que je t'offre de ma collection. Ah ouais, Joachim's Collection. The Bibliothèque. Voilà. Et tu peux pas te gourer s'il te l'offre, c'est qu'il en a 12 derrière. D'accord. Les mêmes. Parce que sinon, s'il y a rien chaud, ce mec. Alors, qu'est-ce que tu prends ? Eh bien. Technoop douille, je sais pas, mais je vais prendre le truc techno. Ouais, okay. Le truc techno. Oh, bah bravo, voilà. Et voilà. Bravo. Donc c'est un double X gagné. Aujourd'hui on n'a pas à faire gagner une brique parce que vu qu'on se casse et on a plus de sous, parce que si on avait des sous on se casserait pas les mecs. Nicolas. Eh, bravo Nicolas. Nicolas, bravo. Salut. Alors j'ai eu du mal à envoyer la cartouche d'enregistrement, Nicolas. D'applaudissements, mais un petit mot sur la fin de Maximum, Nicolas. Bah je suis vraiment déçu parce que moi j'étais branché depuis le début quand on a reçu Maximum. Enfin avant il y avait déjà Aventure. Donc ouais. On est très déçus, d'ailleurs je suis pas le seul sur Reims à être déçu, on est pas mal. Et oui, et même sur Paris quand même. Oui, bah dans toute la France, je crois que tous ceux qui écoutent ce soir doivent avoir les boules. Et maintenant, attention, on va faire comme dans Stop ou Encore, tu vas présenter le 10. Et c'est DJ Herbie, le titre c'est I Like It, à toi de jouer. Eh bien bonsoir à tous ce soir, DJ Herbie avec I Like It en direct sur Maximum. Salut Nicolas, bravo. Salut. Salut. Maximum Dance, volume 2, Black Box. Roll Relana. DJ Pierre. Encore plus dense que le volume 1. Maximum Dance volume 2. La compilation dose maximum. B-E-2-N-Y-B. Benny B en folie avec Maximum. Maximum à Disco Parnasse. Et qui l'accompagne? Benny B. Venez rencontrer le groupe le plus fou de la dance francophone, Benny B. Oh oui. Une heure de dédicace non-stop le mercredi 23 mai à partir de 16h30 au magasin Disco Parnasse, centre commercial Maine-Montparnasse à Paris. Yo, yo, yo, yo. Mercredi 23 mai, Benny B à Disco Parnasse avec Maximum. Maximum. La nuit des tarés, Cocteau, Patanjali, Joachim, Alia, avec toute la nuit, et ben, vous tous, avec des cadeaux, avec des tas de choses. Et là, à l'instant, Adeva Respect, l'un des premiers titres de Maximum. En plus, on a fait un concert au Palace avec Adeva, c'était mémorable. On a fait la première fois qu'on a fait les cons, quoi, quelque part. Ça c'est clair. Qu'est-ce qu'on voulait dire? Une histoire tout à l'heure. Et puis pour l'instant, qu'est-ce qu'on va se mettre sous la dent, ma petite poule? Eh bien, on va se faire un mix de Tino Rossi qu'on avait fait pour Noël. De l'année dernière, ouais. Un truc de techno mixé avec Tino Rossi. Le pauvre, il a dû se retourner plusieurs fois dans sa tombe. Ouais. Juste avant, il y a un petit bêtisier. Ah bah oui, parce que Roselyne Clark et Steady Go présenté par Lorenzo Poncino, ça vaut quand même le détour. Maximum, je vais vous épater. Deux fois de morue? Non. De toute façon, Lyon, tu m'as fait partir vachement tard, hein, quand même. Maximum, je vais vous épater. Deux fois de canard? Non, de morue, avec une exclusivité Roselyne Clark, Alice. Ah non, tu vois, j'ai pas le temps, là, hein, de... Maximum, je vais vous épater. Deux fois de canard? Non, avec une exclusivité. Olé, Roselyne Clark. Non, mais non, ça va pas du tout, faut que je change de truc, là, parce que ça... Non. Maximum, une exclusivité d'enfer qui va vous épater. Deux fois de canard? Ouais, Roselyne Clark, Alice, Steady Go. Non, ça va pas... Maximum, je vais vous épater. Deux fois de canard? Non, de morue avec une exclusivité Roselyne Clark. Ah merde. Maximum. Sur un max. Maximum. No matter what you do or who you are, everyone's a shine. Ariel danse. Maximum, la nuit des tarés, Cocteau, Patanjali. Et alors Paul Simpson à l'instant, Everybody's a Star, avec Joachim Garraud qui nous raconte une histoire. Un tox ou info? C'est une info, eh oui. Non, moi, j'ai une belle histoire à raconter, c'est que sur Paul Simpson, c'est le premier disque que j'ai entendu sur Maximum lorsque j'ai ouvert ma radio et je suis carrément tombé amoureux de cette radio et j'ai dit il faut absolument que j'aille bosser là-bas. Et c'est pour ça que j'ai envoyé 4 milliards de cassettes à l'époque et que sur les 4 milliards, il y en a une qui a plu et puis que je me suis retrouvé avec cette formidable équipe de Maximaniac. Paul Simpson, c'est pour moi mon premier disque de Maximum. C'est mon must. Demandé de la part de toute l'équipe pour Joachim. Tout à l'heure, d'autres de bêtisiers, il y aura des promos. Tiens, bah d'ailleurs, on va s'en faire des tout de suite, tiens, des promos. Les Master Mix Maximum. Vous êtes passionné de mix? Participez au Master Mix et gagnez chaque semaine une table de mixage. Envoyez-nous votre mix à Maximum BP 209-16 75 765 Paris Selex 16. Et rendez-vous chaque samedi dans le Hot Mix pour découvrir le Master Mix de la semaine. Les Master Mix, faites-en un max avec Maximum. Soirée Maximum. Rock the house show. Maximum et le boy sur satellite. À l'occasion de la fête de la musique. Le jeudi 21 juin, Maximum, en direct du boy à Paris. À partir de 23h en non-stop dans le club le plus branché de Paris. Retrouvez en direct sur scène Daisy D, Hit House, Maximum, diffusé toute la nuit partout en France depuis le Boy à Paris. Jeudi 21 juin, en direct du Boy à Paris, vivez la fête de la nouvelle musique à son maximum. Maximum. Nouvelle musique. black, rap, techno, tous les tempos sur ta radio. Maximum. House, pop, black, rap, techno, tous les tempos sur ta radio. Maximum. Maximum tout à l'heure en direct live. Le premier titre du groupe Patanjali et Cocteau, la bomba à la guitare sèche pendant 15 secondes parce qu'il faut quand même pas déconner. Moi je serai au cœur. Attends, tout à l'heure. Et puis tout de suite, et vous appelez au 40 39 09 09. Et puis on va reprendre discuter un petit peu avec vous avant d'écouter de la musique. 16 1 40 39 09 09. Et sachez qu'il y aura d'ici là des promotions encore de Maximum, du début de Maximum, de tout ce qui nous a marqué durant les deux ans d'expérience ont toujours fait la différence. Tout mec qui se répète à peine. En tout cas, à partir de 4h du matin, il y aura un nouveau WX pour gagner des cadeaux. Il nous reste Lisa, l'album Technotronic, des sacs Maximum, des t-shirts Maximum. Tiens, le prochain coup, on va gagner des t-shirts. Ouais. Hein, parce qu'on nous en demande tout le temps. Et ou alors une fourrure doublure de volant de R12. Maximum, les plus beaux volants de R12. Ou les boots de Decreevers en peau de chèvre. Voilà. Tout de suite, reprise du gaufret Simply Red. Oui, remixé par Steve Silkerley. C'est génial ça. 1, 2, 3. Maximum, version intégrale de cette musique créée pour Maximum tout à l'heure à 4h pendant 1 minute 12. Hop, hop, hop, hop, les cassettes, d'habitude on le dit pas, mais là on le dit. Bon, alors, avant d'écouter le nouveau premier mix, premier Maxi Mix fait sur Maximum, c'était Les Astrophiles. All around the world. Bon, on va se prendre, bah tiens, on va se faire une petite causette avec Florent. Salut Florent. Salut. Ça va? Salut Florent. Salut Florent. Où est-ce que t'habites, Florent? J'habite à Moneto. Ah, où ça? À Moneto, c'est à côté d'Auxerre, juste à côté de Ah ouais, salut Auxerre. Salut le styliste à Auxerre, on connaît bien, on a fait une grande soirée Maximum là-bas. Et qu'est-ce que t'as à nous raconter alors aujourd'hui? Bah, je trouve ça dégueulasse parce que bon, moi ça fait depuis 6 mois qu'on entend Maximum du côté d'Auxerre. Ouais. Et je trouve ça immonde qu'on nous casse ça parce que on avait énergie, mais bon, énergie. Oui. Ça veut dire quoi? Tout à fait. Robert. OCR 102-4. Moi je dis ça comme ça. Ok, et ensuite, bon d'accord, vas-y continue. Et puis, bon, maintenant je trouve ça dégueulasse parce que ouais. Bon, on va attaquer l'année 92, mais sans vous ça sera plus pareil. Eh ben ouais, bah on va l'attaquer avec nous, mais pas longtemps, mon pote. Hein. Ouais, à la fin de la semaine, ouais. C'est terminé. 5 jours. Ouais, 5 jours, ouais. Ouais, okay. Dimanche soir, minuit. Florent, okay. On te souhaite une bonne année quand même. Bah vous aussi, bonne année. Et puis à bientôt. Ok. Salut à toi. Salut. Salut Eric. Oui. Ça va Eric? Ça va. Salut Eric. Okay. Vas-y, t'as l'air d'avoir les boules, Eric, là quand même. Ah hein. Oui, quand même un peu, mais j'ai les boules vraiment parce que je voudrais dire qu'il faudrait quand même pas pleurer. Il y a encore des discothèques qui existent, qui passent de la rave, de la techno. Ouais. Ça m'arrache. Tout à fait. Heureusement, hein. Tout à fait. Encore un rêve-moi. Il y a plein de clubs qui jouent de la techno alors que bon, on va pas se moucher le coude. Oui. Mais quand même, avant Maximum, la techno c'était. En France, ça existait pas trop quoi. Oui, et maintenant. Belgique, voilà. Avec Radio Contact. Ouais, et puis maintenant, ça commence à passer un petit peu partout. Et puis les gens s'éclatent un peu. Il n'y a pas que la techno. Nous, on aime tout. On aime la dance, on aime tous les styles de musique. Quoi. Mais la techno, c'est vrai, comment ça prend de l'ampleur. Alors je voudrais dire qu'à Épernay, juste à côté de Reims, il y a une ouais. Discothèque qui s'appelle le Tape 2. Le Tape 2. Il faut y aller tous ouais. Les jeudis, une fois Salut, par mois. Ouais, on a été là-bas faire une soirée Cross Lune Clark avec Brother in Rhythm et tout, et ils font de la techno aussi là-bas. C'est fantastique. Et je voudrais dire que, bon, la situation de la bande FM, elle craint de pire en pire. Et je voudrais dire quand même qu'il y a des radios qui sont à la hauteur, qui vont peut-être prendre le relais le maximum, j'espère. On va voir. Je peux les dire. Bon, ouais, vas-y. Radio Voltage. Ah oh ouais, on peut voir ça comme ça. Contact. On peut voir ça comme ça, ouais. Pas vraiment, mais on peut voir ça comme ça. Ouais, on salut. Va écouter. Salut Eric, à bientôt. Allez, salut. Laurent. Oui. C'est toi le dernier, alors profites-en, vas-y, dis ce que t'as à dire. Ok, je vais vous raconter ma petite histoire. J'ai vraiment eu du mal à vous capter. Ouais. J'habite Nancy. Ah ouais, Nancy, ouais. Je vous ai découvert à la Grande Motte, près de Montpellier. Ouais. Je suis rentré chez moi, impossible de vous trouver. J'ai déménagé, j'habite en hauteur et maintenant je vous capte sur la fréquence de Metz. Ouais. Oula. Ça fait maintenant plus d'un an et demi et je me lève tous les matins avec vous, je m'endors avec vous, je vis selon Maximum. Et ouais. Je crois que la vie va être vraiment dure sans vous. On est mariés sous le régime de la communauté, alors c'est ça, toi près, et ça, nous. Voilà. Ok. À Nancy, tout le monde connaît Maximum par moi, je fais des cassettes. Et pourtant, on n'a pas d'émetteur là-bas. Hein. C'est pour ça, je vous dis, je capte sur Metz, je suis vachement content. 92.2. C'est ça, 92.2. À Metz, ouais. On aurait bien aimé avoir des émetteurs aussi dans le Nord, parce mais que dans ça, le Nord. On n'a pas compris, nous, à Nancy, de pas recevoir ouais. Maximum, parce que et vraiment, oui. Ça manquait. Ouais, des petits problèmes. On a une boîte branchée qui s'appelle Le Campus, qui ouais. Passe de la techno, de la rave, qui vous fait de la pub, même si vous n'êtes pas capté. Eh oui, c'est génial, merci. C'est très bien. Vous m'avez fait découvrir le Boy aussi. Ouais, parce que t'es de fou, hein. Tout le monde connaît le Boy. Ah ouais. C'est vraiment la boîte branchée. C'est vrai. Alors, il y en a qui ont. Bon, ça leur plaît peut-être pas parce que c'est une boîte gay, mais les beaux gays, on a beau c'est dire, mais grave, c'est là-dedans qu'on s'amuse branché, le plus, le je suis désolé. Et pourtant, ouais. Bah, on peut le dire. Alors, il y en a qui nous demandent, mais vous êtes tous gays, Maximum? Non, non, pas du tout. On est gays. C'est pas pareil. Exactement. Mais non, non. On ne sait pas parce qu'on est dans une boîte de PD. Bah, écoute, ils font ce qu'ils veulent, ces gens-là. Et puis, de toute façon. Cela ne nous regarde pas. Voilà. Et nous, ce qui nous importe, c'est la musique. Donc, on a été faire la fête avec eux et ça nous importait. On était contents. La seule radio à faire des émissions en boîte, c'était très, très bien. Et de toute okay. Façon, ce qu'on va se faire, c'est qu'on va se dire au revoir, Laurent, à bientôt. Okay, à bientôt. Merci d'avoir appelé. Ciao. Salut. Alors, sur Maximum, le premier mix, toute catégorie, les Astonfield All Around the World. Les bruitages derrière, c'est parce que l'instru pourri était fini, c'est enfoiré. Et ils nous envoyaient les jingles à travers, à tort et à travers. Donc, on y va, allez. Tell me, baby. We'll be right back. Respect your parents, they push you. Maximum, Joaquin Garraud voudrait remercier W30 Roland. Lisa Stanfield, le premier mix sur Maximum fait au ciseau, faut bien le signaler, ouais. Avec une bande. Ouais, ouais, pas trop de matos à ce niveau-là. Hein. Bien. Les amis, 4h du mat, on n'est même pas à mi-parcours, il nous reste toute la nuit et toute la matinée. Et là, il y aura en plus Hélène Zelani qui est venue faire de l'info. Elle est arrivée avec la bouteille de champagne. Bravo. Bravo Hélène. Bravo. Alors là, franchement. L'instrumax pendant 1 minute 12. Et après, la musique. Hein, la musica. Cool and Resistance. Max Musique. Par satellite, partout en France. Maximum. Maximum. Hot Max. Eh, le Hot Max, c'est un truc de fou. C'est une compil, il y a 16 titres en... Technotronique. Mais attends, la pochette en plus, elle est... FBI Project. Non mais écoute-moi, le Hot Max volume 1, c'est 2 heures pour se défoncer, 2 heures de musique. Fidel Fatih. Oh non mais t'es sûr ou quoi? Ça existe en version maxi, il y a que des versions maxi là. Tony Carrasco. Oh, ça existe en double vinyle, ça existe en cassette et ça existe en double compact. Et oui, Hot Max, volume 1, la dance la plus chaude, c'est la compilation de 16 titres version maxi sur double album. Hot Max. 2 heures de nouvelle musique en version maxi avec Black Kiss. Black Kiss. Technotronic sur l'aile avec Sibyl en soutien pour MC Makoji. MC Makoji. Bel et bien en profondeur pour FBI Project en rentrée pour Itaos. Hot Max, la compilation dance la plus chaude avec 16 titres bien soudés autour de Capella. Capella. Hot Max, disponible en cassette, vinyle et CD. Et oui, Hot Max, volume 1, la dance la plus chaude, c'est la compilation de 16 titres version maxi sur double album. C'est nouveau. Nouveau. Nouveau. C'est Max, Max, Maximum. Nouvelle musique. Let me go. can spend that time, all of it is mine. Un peu. Beaucoup. À la folie. Au maximum. Maximum. Until she's 14K, diamond in the back, sun rooftop, waiting for the credit card so she can go and shop. Jack plays the back, just knocking other stocks, cause now in the hood he's out of pocket. Till one ring came, Jody blew a spark, found about Judy round the corner in the park, flipping like a dipstick, hip to the news, practicing the rain, fellow in the blues. Jack pulls the coffin and swift like a skate. Yo, Jody, yo, gotta go, got a date. Padlock Jody screaming, wait, don't bury her. He replies, I'm keeping the faith. Baseball with you again. Yo, I never do the baseball with you, cause your hoochie coo is so smooth. Is it such a sin to let me in? Hooked by your ever so shyness, walked that bush, heard you from Flatbush, ran after you, caught you, brought you to Long Island, styling for a while in my hut. I was on a cut for a peck, a silly crack peck. You try to play me new, plug one, you disconnect. I try to touch your hair, say no. Yo, I try to touch your you hair, say no. Is it cause you want my financial flaunt? First you gotta please me nice easy, but I guess you want that infant verse, so I stand plug first to see. We got a serious block, turn the other way, ooh, what do I spot? I'm hoping, hey, love, who sent? Left a trace, had a stash of Apache with a body that sink. All to the A, now you wanna swing, forget the rap, yo, black sheep, sing. Your band, honey, dip, your band. Your band by the preacher man. You played yourself a stool, not a media step. Never mind, love. The faith is being kept. Now, remember my padlock, Jody, here's the fact. Jack Little Wick, but she was acting whack. Jack wanna lay, but laying ain't exact. Cause the past 4 or 5, she was laying by the pack. Hip to the witness, putting on a plan. No money, no more putty cat for the man. Jack know that honey ring's playing a game. Woman wanna Bogart man for the fame. Ah, dame, damn. Sam is the man that you plan to command. Nothing new about a neighborhood. You know what? Padlock Jody wanna cut. Jack thinking cap ain't minor to attract. Yo, it's 20, 40, 60, paperback. Conscience appears, yo, Jack, what you doing? You play the cold while honey is cooling. You don't have to if you don't want to. You don't have to if you don't want to. So he begins with the ring, ring, ring. Hey, Judy girl, how you doing? Seen you with another man, what you doing? Screwing food, shame on you. What you can't wait for the big fake? Well, I'ma tell you straight on it, child. I'm keeping a faith. I'm keeping a faith. I'm keeping a faith. The face. Maximum est l'un de nos groupes fétiches de la soul. On l'avait programmé en premier avec Say No Go. Il y avait eu aussi Me, Myself and I. I know. Yeah, attention les amis, 4h12, j'espère que vous êtes toujours aussi réveillés. C'est la nuit des tarés jusqu'à 9h du matin. Le champagne coule à flot. Tiens, on n'a pas débouché. On va le déboucher en direct alors avec pour faire guitare. Du bruit. Voilà, avec la guitare. Et puis, on vous l'a promis, la guitare, on va l'amener. Et pour l'instant, l'album de Technotronic qu'on va faire gagner tout de suite. Avec quoi? Avec le double X. Double X. Alors pour le double X, vous appelez au 40 39 09 09. On met le jingle si tu veux. Ouais, vas-y, attends, parce que là je l'ai mal fait. Double X. Voilà. Ouais. 40 39 09 09, 16 1 40 39 09 09. Le mot de passe est: les boots de Dick Rivers sont disponibles au 3615 code Dick. Voilà. Ça pulse, hein. Ça donne, hein. On est fort là quand même. Voilà. Et juste avant, encore un Maxi Mix uniquement sur Max. Même Mais les trucs Max. Qui étaient hits, Sylvain et sa Paradis, on a trouvé que c'était tellement mignon, on s'en est fait un hit avec Mélanger Soul to Soul. C'était pas beau, ça? J'espère que vous avez un petit poste stéréo. les meilleurs remix Made in Max. Et seulement sur Maximum. Maximum. sax, sax. J'ai un méchant sax. Le remix. J'ai un méchant sax. Attends, écoute. Exclusive. Oh, c'est beau. Mec, il prend son pied, il prend un truc de merde. Bon, alors, le double X. Attends, je l'ai pas mis. Double. Yeah. Double X avec Gilles. Hello. Salut Gilles. Il est des notes. Alors, la nuit des tarés avec Gilles. Quoi? Il a fait quoin-quoin, c'est bien. Et il a fait coin-coin et secoue le bas des reins et font coin-coin. Alors, le double X avec Gilles. D'où tu nous appelles, Gilles? Dévry. Tu vas bien, Gilles? Dévry. Super. Tu passes des super fêtes, Gilles? Oui. Bon, tu vas... prendre du poids. Ah bon? D'accord. Oui. Avec le foie gras et tout le tralala? Entre autres. Bon. Gilles, que penses-tu de la fin de Maximum? C'est une catastrophe, Thérèse. Ok, Félix. Bon. Qu'est-ce que tu penses des boots de Decrivers? Elles seront disponibles, je pense, qu'il y a 15 que de Mickey. Bravo, d'accord. C'était le mot de passe, il l'a eu, il a gagné. On y va pour les détails. Dis-moi, Gilles, un tox ou un faux? Voilà, lâche-nous avec ça, toi. C'est hard, ça. Ah non, c'est... Ouais, l'autre gun. Je sais pas. Ouais. Ah, yeah. Bravo. Allô? C'est dur, ça. Michael Jackson. Ouais. Alors, ça, je l'ai su, mais il y a longtemps. Je suis l'homme qui tourne bas pique. Je suis l'homme. C'est beau. Bernard Linet. Bon, alors, n'importe quoi, là. Madonna. Ouais, alors, trop fastoche, ça. Vas-y, suivant. Georges Michael. Ouais, salut. Maintenant, tu détaches tes cheveux et tu te fous à poil. Oh là là. Je t'aide, ils sont deux frères. C'est pas vrai, hein. Oh là, joli. Donc, c'était l'homme qui tombe. À pic, 1, 2, 3, 4, 5. On l'a pas aidé, on a juste dit les 22 6. Premières syllabes. Alors, double X, tu as raté 10 chèques. Ouais. Spania, ouais. L'autre con, comme tu dis. Carlton, Louis Thomas. Ouais. L'homme qui tombe à pic, et voilà. Joli score tout de même. Et tu choisis. On en a d'autres, hein. On en a d'autres pour plus tard avec Enrico Macias, mais on le dit déjà parce que. Et Dev à la fête de la moule. Gilles, oui. Technotronic. Bravo! Bravo Gilles! Alors, Technotronic album, Lisa Stanfield CD, vas-y, à toi Lisa, le choix. Lisa, pas Lisa Stanfield. Merde, Lisa, ouais. Les deux, alors le 3, tout, reprends tout. Bon, un album de Technotronic et un CD single de Lisa. Ah oui. Ouais, mais alors on a faut qu'on tienne jusqu'à 9h, on va pas tienne jusqu'à 9h avec voilà. Deux cadeaux pour chacun. Hein. On est royal, allez! Bon, allez, roule, exceptionnellement, ouais, mais attends, ils vont tous nous demander deux cadeaux là, ah t'es non, fou ça... toi. Bon, ouais. Bon, Gilles, exceptionnellement pour Gilles, qui et a trouvé. Quelque chose. Ouais, vas-y. J'ai 3000 balles sur mon compte de caisse d'épargne. Je peux racheter la radio. Avec 3000 balles? Ouais. Oh ouais, il manque juste 22-0. C'est tout. Et c'est pour merci ça qu'on peut. On a fait les économies, mais c'est sympa quand même, Gilles. On t'embrasse, ma petite poule. Aussi. Salut. Bien. La nuit des tarés, Cocteau Patangeli jusqu'à 9h du matin. Avec aujourd'hui et pour vous, des bêtisiers, des Maximix, de la musique, des tempos dans la peau et des promos inédites. Et puis Patangeli vous jouera de la guitare tout à l'heure. Ouais. Parla, paila et la bomba. Ouais, d'ici là, la nouvelle musique à son maximum. Il faut en profiter ouais. Jusqu'à dimanche soir. Por qui c'est les minuit. Por qui te bas, too unlimited. Get ready for this. Here we go. Yeah. for this. Maxbox Maximum. Attention, aujourd'hui le Maxbox est à Reims et Châteauroux. Le Maxbox, c'est le poste rouge géant de Maximum. Il se balade partout en France. Allez vite le retrouver et gagnez le ticket Max. Le Maxbox Maximum, aujourd'hui à Reims et Châteauroux. Stop, stop, stop, stop, stop musique. De Sydney Youngblood à Jean-Pierre Foucault en passant par Alexandra Cazan et Lonnie Gordon, découvrez chaque jour les projets d'actualité et le titre maximum des invités du Stop Music. J'ai une activité tout à fait particulière, c'est que je viens de sortir un livre. En ce moment, le maximum, c'est ce que je fais en scène le soir. La présentation du bébé est prévue dans 20 ans maximum, donc on a vraiment le temps d'en parler. Stop Music sur Maximum, une vedette envoie la musique. Stop. Stop, stop, stop, stop, stop, stop, musique. I like this song. Maximum. Nouvelle musique. Dose, dose, dose, maximum. Maximum, 4h31, surtout restez là puisqu'il y aura encore des bêtisiers, il y aura encore des auditeurs à l'antenne pour s'exprimer. Mais tout de suite, il s'appelle Carlos De Angeli et il va nous chanter la bomba. En étant sur Max, voilà à quoi vous avez échappé. Par la bala là-bas. À blanc. Par la bala là-bas, on nécessite una poca de gracia. Una poca de gracia, por qui seré, por qui seré, por qui seré. Bam bam bam bam. C'était un break. Bam bam bam. C'est horrible. Oh non, c'est naze. Bon allez, Rosala, on l'a passé avant tout le monde, comme à l'accoutumée. Ouais, alors attends, si tu veux bien. Attends, on y va. Moi, je préférais la version avant, moi. Tu mets les fumigènes à fond là. Vas-y. Et les stroboscopes. Everybody's Jaco. Tout le monde est libre. Il est libre, Max. Je remercie Gérard. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Je remercie Gérard Lenormand et Nicolas Perrac qui nous ont appelés pour nous soutenir. Ça fait toujours plaisir. Merci. Salut, c'est Nicolas Perrac. Moi aussi, j'écoute La Nuit des Tarés sur Maximum. Alors, un petit truc, un petit coup de bêtisier, on écoute Chamène. C'est Fred Risser qui est en train de faire une promo. Ça, c'était en 90. En 90. Et puis, les trucs de la promo, c'est-à-dire que les gens de la promo sont des petits rigolos. D'ailleurs, on dit bonjour à Eric Polo qui nous écoute peut-être et on l'embrasse très fort. Des bouts en train. Il a effilé un grand texte qui était illisible. Fallait qu'il fasse une pub de 30 secondes avec. Et le pauvre Fred Risser n'y arrivait pas du tout. Et pour cause, le texte, c'était la moitié. C'était impossible. Et eux, ils l'avaient retaillé, le texte, pour qu'il soit lisible en 30 secondes. Seulement, avant de lui filer le vrai texte, ils lui ont filé évidemment la grande version, celle qui n'avait pas été coupée. Et le truc était infaisable en 30 secondes. Écoutez Fred Risser et sa réaction quand le chef de promo lui amène le vrai texte en lui disant: tiens, regarde, ça c'est le véritable texte. Il était vachement plus court et tu t'es fiché pour rien. Écoutez ça. Gérard Dabouville, Catherine Monoury et les 30 aventuriers de l'image pour une grande fête de l'aventure. À l'affiche, 50 films, le Festival Junior, le Rassemblement National des Tractions, un grand spectacle de danse, escalade à la grande fête du 4x4 et de tout ce qui roule. Non, ça n'ira pas, je peux jamais prendre ma respiration. J'ai essayé de prendre ma respiration à un moment donné, mais... Puis je peux pas donner de ton, quoi. Je veux dire, si c'est d'une seule traite... Avec le fer. Tiens, Fred. Présent. Si éventuellement ça peut t'aider, ça c'est la véritable version. Quelle bande d'en... Putain, vous êtes une bande d'enculés, mec. Quand c'est fou, c'est nous, Maximum. We'll be right back. all who've done this. Marky Mark, and I'm here to move you. Rhymes and prove you, and I'm here to prove to you that we can party on the positive side. I hope positive vibes come along for the ride. Thinking you feel my rhythm is my occupation. So feel the vibration. Come on, come on. Je sors du faubourg et de la rue et je suis un gros rappeur avec des beaux pectoraux et des chaînes en or. Maximum, 5h moins le quart, on est là jusqu'à 9h pour la nuit des tarés. Hey, la nuit at the end of Maximum, puisque dimanche à minuit, Maximum s'éteint. Oui. Aussi, nous allons faire péter le bouchon en direct. En direct, en direct. Attends. Oh, c'était pas un bouchon de blaireau. Ça, je te le dis, mon pote. Alors, attends, on va faire un truc avant de se faire Sissy Peniston. Un truc. Ah oui, faut expliquer ce que c'est, Conto. Voilà. Faut expliquer ce que c'est. C'est un truc qui s'appelait RPM. C'était Radio Pâté Montpellier. Il y avait un animateur de chez nous qui s'appelait Sam Z et qui est maintenant sur un orge. Voilà. Qui a fait derrière Mars Calga et qui a fait la Daska la demande et qui est un pote Sam à nous. Sam Z qui était sur Maximum et qui, à l'époque de Maximum, a décidé, il a fait un truc de fou. Il a monté une radio pirate pendant un week-end à Montpellier. Ça s'appelait RPM. Et aussi toute l'équipe de Maximum, toutes les autres radios ont participé à cet événement. Et on avait fait chacun un truc. Alors il y en avait qui avaient fait des fausses pubs, d'autres des faux jingles. Nous on avait fait un rap avec Cocteau ici présent, Patangeli ici présent et Joachim. Et ben voilà, on avait fait un truc. Bon, on va vous le faire écouter parce que ça franchement, rap, ça rap. Alors, ça craint, mais ça rap. Écoutez, c'est naze. C'est Big Joe dans la radio. Et quand il fait pas beau, je ne bois pas que de l'eau. Enfermé dans le studio de RPM, y'a pas de problème, y'a pas de problème. Toi qui écoutes ma belle chanson, je sais que tu n'as pas de pognon. Oh oh oh. Alors crie bats-toi petit homme pour qu'un jour tu deviennes un homme. Allez vas-y Manu. Salut c'est Manu, j'ai garé le bahut devant la radio pour faire comme un pro. Je rappe, je rappe, je rappe avec Big Joe. C'est moi. Car c'est la lipo. Folie. Moi je veux sit up double. Faisons un max, va dans le sky, recherche l'énergie et cherche le fun. Pour toi il n'y a que RPM pour éviter tous les problèmes. C'est the ride. C'est the ride. Viens me rejoindre sur la plus jambon des radios. Et avec nous, il fera toujours beau. C'est Big Joe, c'est Manu, c'est les prolos. Alright. Y'a pas de problème. Ah ça non, avec RPM. Pas de problème. Exclusif. How was it? How was it? How was it? How was it? How did you make? How was it? How was it? What? How was it? How was it? Salut, c'est moi, DJ Master. Pour venir rapper, je suis toujours à l'heure. À tous les fondus du groove et de la danse, je dis qu'ils ont beaucoup, oh oui, beaucoup de chance. Montre comme tu bouges, remue sur tous les pieds. Car c'est important quand même de bouger les pieds. Tu sens la musique en toi, oui c'est le pied. Et quand elle démarre, tu sautes sur tes pieds. Ah, ah, come on, ah, groove. Oh, ça donne, ça donne. C'est nul. Ça bouge dans la musique. Maximum. Baby. La nuit des tarés. C'est beau ça, hein. Cici Peniston, finally. Qui c'est qui a remixé ça? David Morales. C'est David Morales. Oh, David, mon fils. David, ça. Alors, 4h53. Putain, c'est génial parce que vous êtes vraiment avec nous cette nuit. On est là jusqu'à 9h. Ouais. Il faut bien le signaler. Ouais. Sachez qu'on va vous laisser parler et exprimer. Vous extériorisez juste avant 5h. Ouais. Et qu'à 5h10, il y aura un nouveau double X avec un nouveau double jeu. Donc il faut téléphone au Goyo tout de suite, téléphone arrêt 40 39 09 09, et il faut parler avec ton cœur. En tout cas 40 39 09 09, vous appelez maintenant et puis avant on va se faire un truc exclusif, tiens. Snap, I've got the power, version maximum 1990. Allez, les versions uniques de vos titres, c'est sur Maximum. I wanna know, yeah. I've got... Or I will attack, and you don't want that.